fantastique, mythique. Les machines nous feront danser. Elles vont nous épuiser. Elles vont nous faire monter, monter, très haut. Dans cet espace technologique, pas besoin de courant électrique. Juste cette flamme dans tes yeux. Et je décolle aussi vite. Notre vœu des amoureux, c'est le sexe. La sueur, les jeux, l'attraction des corps magnétiques, l'appel du plaisir physique, quelques mots aussi romantiques, un peu fleur bleue, c'est ça le bon mix, check the mix. Bye.